بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهلي وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم سنكمل بهذا الدرس الثامن من هذه المسائل بإذن الله تعالى. Aujourd'hui, on va clôturer ces دروس par le 8e درس إن شاء الله. Et là, c'est une masala qui était à la base censée être citée au préalable dans d'autres durus, mais elle a été repoussée à celui-ci car elle est plus appropriée et correspond plus à ces questions. Il s'agissait de sa parole, Hafizahullah Ta'ala, lorsqu'il dit « Man hum allazina tusraf lahum zakat al-fitr » Donc il dit « Qui sont ces gens à qui on doit donner zakat al-fitr ?» Il dit « Le premier, la tusraf zakat al-fitr illa al-masakin wa la tusrafu li baqi al-thamaniyat al-mazkurati fi al-ayati allati sayati zikruha 'inda qawli al-thani » Donc il a dit cette zakat, on ne la donne qu'aux pauvres. Et elle n'est pas donnée pour les 8 catégories qui sont citées dans le verset qui va venir par la suite comme preuve du deuxième avis. Et ce verset, c'est le verset qui concerne les gens qui ont droit à la zakat, mais c'est la zakat elle-même, comme cela va venir. Donc cet avis que cela n'est que pour les pauvres, c'est l'avis du mazhab de Malikit, et c'est le choix de Ibn Taymiyyah et d'autres. Et parmi les contemporains, Al-Albani. Et leur argument, c'est le hadith d'Ibn Abbas qui dit « Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr tuhratun issa'im nillahu wa rafas wa tu'matan lil-masakin akhrajahu Abu Dawud » Donc leur hujja, c'est le hadith d'Ibn Abbas qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr en tant que purification pour le jeûneur des paroles futiles et vulgaires et autres et comme nourriture pour les pauvres. Donc ici c'était le parole de l'Albani qui dit rahimahullah ta'ala qawluhu sallallahu alayhi wa sallam tu'matan lil masakin yufidu hasraha bil masakin wal ayatu innama hiya fi sadaqat al amwal la sadaqat al fitr. Donc l'Albani dit que justement dans ce hadith la parole nourriture pour les pauvres, cela limite justement cette zakat que pour les pauvres. Alors que le verset qu'on va citer dans le deuxième avis, c'est un verset qui lui est général pour Zakat el-Mal et non pas Zakat el-Fitr. Non. Donc le premier avis, c'est celui-là. Cette Zakat n'est que pour les pauvres. Ou le Kol Thani, le deuxième Kol, c'est que la Zakat, elle est pour les gens cités dans le verset. Quel verset ? Qulullah Ta'ala, Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alayha wa mu'allafati qulubuhum wa fi riqab. Wa الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Le verset dit dans le sens que la sadaqat, c'est-à-dire la zakat, n'est que pour les pauvres, les indigents, ainsi que ceux qui travaillent à la récolter, c'est-à-dire pour le gouverneur, ainsi que ceux dont les cœurs sont à gagner, et pour libérer les jougs, c'est-à-dire les esclaves, et pour les endettés, et sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, et pour les voyageurs perdus. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants, que le zakat al-fitr est valable pour toutes ces 8 catégories. Et l'auteur, lui, voit que c'est le premier call qui est le plus fort, que celle-ci est limitée aux pauvres seulement et non pas à tous les autres. Et cet avis-là paraît comme étant plus probable. Naam. Et aussi un tambih, yakul al-imrani, wal-faqir, izé utliqa ismuhu, tanawala al-faqir, wal-miskin. وكذلك إذا أطلق اسم المسكين تناول المسكين والفقير وإذا جمع بينهما كان معنى أحدهما غير معنى الآخر. Donc il dit maintenant le fakir, lorsqu'on dit seul le fakir, cela englobe le fakir et le miskin. Et lorsqu'on dit le miskin tout seul, ça englobe le miskin et le fakir. Et lorsqu'on les cite individuellement ou plutôt communément, l'un a un sens autre que le second. C'est comme lorsqu'on dit islam et iman. Lorsqu'on dit islam, ça englobe les actes apparents et les actes intérieurs. Et quand on dit iman, pareil. Quand on dit islam et iman ensemble, l'islam c'est que les actes extérieurs et l'iman c'est les actes intérieurs. Et les ulama disent que le fakir, lorsque on met les deux ensemble, le fakir est celui qui est plus pauvre que le miskin. Il est encore moins que le miskin. Et c'est celui qui n'a pas de quoi tenir une année ou moins encore que cela. Qui n'a pas de quoi combler ses besoins. Non. Thumma yaqul ba'da dhalika. هل يجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد؟ Donc maintenant, il dit, est-il permis de donner à une personne ce qui est valable pour tout un groupe, ou alors de donner à tout un groupe ce qui est valable pour une personne ? Ma marna hadha, c'est-à-dire que demain, tu as une zakat à donner de toute ta maison, toi en tant que père, ainsi que ton épouse et tes enfants. Disons que tu as, allez, 6 zakat à réunir. T'est-il permis de donner ces 6 zakat-là à une seule personne ? Et le qawl, c'est oui, cela est permis. Ou le contraire, tu n'as qu'une zakat à donner, que la tienne par exemple, t'est-il permis de la diviser en plusieurs personnes parmi les ayants droit ? Et l'auteur dit également, oui, tu as le droit. D'accord ? L'un et l'autre sont permis. Summa mas'ala, la yajuzu i'ta zakat al-fitr liman tajib alayhi nafaqatuhum kal-walidain wal-walad. Donc il s'agit des paroles de savants qui disent qu'il n'est pas permis de donner zakat al-fitr à des gens pour qui tu dois dépenser. Comme par exemple, tes parents ou tes enfants. Pourquoi ? Car à la base, en leur donnant ta zakat al-fitr, tu te décharges d'une chose qui t'incombe à la base. C'est comme zakat al-mal. Tu ne donnes pas zakat al-mal aux gens pour qui tu dépenses. À ta femme, à tes enfants ou quoi. Car à la base, tu dois dépenser pour eux. Donc cela n'est pas permis. Ce n'est pas valide. Taïeb. Par contre, maintenant, si, mathalène, tes parents ne sont pas à ta charge et ils sont dans le besoin, d'accord, à la base, tu dois dépenser pour eux. Mais si tu n'as pas les moyens de dépenser pour eux, mais que tu as une zakat à donner, tu peux leur donner. Ou ton fils, si ton fils n'est plus sous ta responsabilité, n'est plus à ta charge, d'accord, il a son propre foyer, sa propre famille, il est indigent. À la base, tu dois le soutenir financièrement si tu as les moyens. Si tu ne peux pas le soutenir, mais que tu as une zakat à sortir, alors tu peux le donner. Car à la base, les gens les plus en droit de recevoir la zakat sont les proches. Parmi ceux pour qui la nafaqa n'est pas obligatoire. Ceux pour qui tu ne dois pas dépenser obligatoirement. Mais juste mimbab al-ihsan. Par bienfaisance envers eux. Ensuite, il cita des masail concernant Ahl al-Bayt, les gens de la maison prophétique, qui sont les descendants du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, la zakat, il n'est pas permis de leur donner. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ألم تعلم أن الصدقة لا تحل لنا n'as-tu pas su que la sadaqa ne nous est pas permise? Le Nabi صلى الله عليه وسلم ne mangeait pas des sadaqa, cela lui était interdit. Il pouvait prendre les cadeaux, les dons, mais les sadaqa, les aumônes ou les zakawat, il ne pouvait pas les prendre pour lui, ni lui ni les gens de sa maison, ses épouses, ses descendants et ses proches. D'accord, donc eux n'ont pas le droit de prendre la zakat, on ne peut pas leur donner. يقول La tahil as-sadaqa li ghani wa la li qawi muktasib, qui n'est pas permis de donner la zakat à une personne qui est riche ni à une personne qui est en mesure qui travaille et qui a toute sa vigueur, c'est-à-dire quelqu'un qui est en bonne santé alhamdoulillah et qui travaille. D'accord, maintenant qui travaille, qu'est-ce que cela veut dire? Qui a par son travail ce qui lui suffit. Et ça, c'est dans un hadith, c'est venu quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la hazza fiha li ghani wa la li qawi muktasib. En parlant de la zakat, il a dit, cette zakat ne doit pas être donnée, c'est-à-dire il n'y a aucune part pour celui qui est riche, ni pour celui qui est vigoureux, je ne sais pas comment dire vigoureux, mais qui est en bonne santé et qui travaille. Et dans un autre hadith, il dit, « La tasulahu as-sadaqa li-ronin wa la lizi mirratin sawiyin » Également que cette zakat ne convient pas à être donnée aux riches, ni à celui qui est en pleine forme et qui travaille. Donc, cette zakawat, comme on l'avait dit au début, ces zakawat doivent être données aux indigents, nécessiteux et aux pauvres. Pas aux riches, et ni à celui qui travaille et qui a un travail dont le salaire lui suffit. Et là, il va en parler encore. Il dit « Ma huwa hadd al-ghani al-lazi la yajuzu ma'ahu al-arz min al-zaka » Donc maintenant, c'est quoi la limite de cette richesse qui interdit à la personne de prendre la zaka? Il y a deux avis. Premier avis, c'est celui qui possède le nisab. Le nisab, c'est le seuil à avoir pour sortir zakat el-mel. Donc celui qui a un nisab de base, lui, la zakat, on ne peut pas lui donner. Yaqul man malaka 50 dirhaman aw qimataha min adh-dhahab aw wujud ma tahsul bihi al-kifaya ala ad-dawam. Donc la personne qui possède 50 dirhams ou son équivalent en or, ou alors qui trouve de quoi vivre en continu, comme travail, comme commerce, comme bien mobilier et autres. D'accord ? Il a ce qui lui suffit pour vivre de façon continue. Lui, la zakat, on ne lui donne pas. Et il dit, par contre, quelqu'un qui aurait ces mêmes biens, mais que cela ne serait pas suffisant pour qu'ils vivent. Car ça, déjà, ils ont tout cela. Ils ont un travail, ils ont un commerce, ils ont des biens immobiliers, des terres, ce qui s'ensuit. Cependant, ils ont des charges et cela ne suffit pas à leur permettre de vivre convenablement, c'est-à-dire à combler leurs besoins. Donc en réalité, même s'ils possèdent tout cela, Shal'an, il n'est pas considéré comme étant une personne riche, car il reste dans le besoin. Il reste dans le besoin. Et Khamsun dirham, 50 dirham, un dirham, ça équivaut à 29 euros. Donc on vous laisse faire le calcul. Et ça, à la base, c'est le nisab de l'or, si je ne me trompe pas. Et dans l'autre call, c'est quoi le riche ? C'est le rani matarsul bihi al-kifaya. فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة ولم يملك شيئا. Donc l'autre call, c'est que le riche, c'est lequel ? C'est celui qui a ce qui lui suffit pour vivre, qui arrive à combler ses besoins. D'accord ? Même s'il n'est pas, ne possède rien, il n'a pas de propriété, il n'est pas propriétaire de sa maison, ni de terrain, ni rien du tout, mais il vit de façon où il a ce qui lui suffit pour pouvoir vivre, lui, sa famille, et combler ses besoins. Même s'ils ne payent pas la zakat. Tu as des gens qui ne payent pas la zakat, mais pourtant ils arrivent à vivre convenablement, alhamdoulilah. Tu en as d'autres, ils payent la zakat, et malgré cela, ils ont des charges sur eux. Donc en réalité, ça revient à quoi ? C'est une chose qui n'est pas vraiment décrétée, mais c'est une chose qui revient, qui est relative de tout à chacun. Tu as des gens, ils ont de l'argent, et pourtant, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Tu as des gens, ils ont moins d'argent, et pourtant, ils arrivent à combler leurs besoins. Donc ça revient à ça, en fait. Okay ? Il n'y a pas vraiment de chose qui dit un tel, il est riche, un tel, il est pauvre. Cela revient à son mode de vie et dans les moyens qu'il a pour dépenser pour lui et sa famille. Tu peux être riche et t'endetter, par exemple. Ou avoir des problèmes de santé qui te prennent beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Non. Et d'ailleurs, Zakat el-Mal, comme dans le verset qu'on a pris tout à l'heure, ce n'est pas que les pauvres qui ont droit à Zakat el-Mal. Masalan, celui qui travaille pour l'État, qui réunit les zakawats, n'est pas forcément pauvre. Le Mujahid fi sabilillah n'est pas forcément pauvre. Celui qui libère un esclave, qui veut libérer un esclave, n'est pas forcément pauvre. Les cœurs qui sont à gagner, qui sont encore faibles, ne sont pas forcément pauvres. Et également, on a celui qui est voyageur qui s'est perdu. Il se peut que dans son pays, il est riche. En voyageant, il est parti quelque part, il est devenu démuni temporairement, mais peut-être dans son pays, il est très riche. Donc la zakat el-mal n'est pas que pour les pauvres en soi. Mais zakat el-fitr, elle, n'est que pour les pauvres. C'est la nuance qui est entre les deux. Soma yakoul. هل يعطى المتعاطون للقات والدخان من زكاة الفطر؟ Maintenant la question, est-ce qu'on peut donner زكاة الفطر à des gens qui dépensent leur argent dans le haram, comme par exemple celui qui fume, ou l'auteur donne l'exemple de celui qui prend du qat. Le qat, c'est une herbe que l'on prend au Yémen ici, qui est très connue et qui est illicite. D'accord, la plupart des Yéménites en consomment. Donc maintenant, il dit, est-il permis de donner zakat al-fitr à ce genre de personnes ? Donc là, il cite une fatwa de Al-Ajna Da'imah qui dit « La yakun sani'uhu mani'an min irta'ihi min al-zakat lénaum bithalika la yakhrujuna min millata l'islam wa inama hum mu'minun bi imanihim fasaqa mita'atawna min al-muharramat yajib ala wali l'amr man'uhum mimma yata'atawnahu wa uqubatuhum ala thalika. » Donc il dit, par ces péchés qu'ils commettent, ces gens, d'accord, ne sont pas privés de recevoir la zakat. Pourquoi ? Car cet acte ne le sort pas de l'islam. Donc il reste des musulmans. Et donc de là, le musulman, même s'il est une personne qui transgresse un pervers, la zakat, il peut être un ayant droit s'il rentre dans les conditions par rapport à sa situation sociale. Cependant, il incombe au gouverneur de les empêcher de se nuire eux-mêmes par ce genre de, à s'adonner à ce genre d'actes. Fumer, boire, se droguer, est-ce qu'il y ressemble. Également, le mubtadi', l'innovateur, dont la bid'a n'atteint pas le kufr, et bien lui également, il est permis de lui donner la zakat. Maintenant, plus on cherche une personne pieuse, mieux cela est, bien évidemment. D'accord ? Mais si jamais on ne trouve que ces personnes-là, et qu'ils sont dans les conditions réunies pour la zakat, on peut leur donner, cela est valide. Naam. Thumma yaqul, hal yajuz دافع زكاة الفطر إلى الكافر. Peut-on donner cette zakat aux kuffars, aux mécréants ? Bien sûr, il y a deux avis, un qui dit que cela n'est pas permis, et d'autres qui dit que cela est permis. Et en réalité, on sait que cela n'est pas permis. D'accord ? Car cette zakat doit être donnée aux masakin parmi les muslimines, comme zakat el-mal. Zakat el-mal, au début, il était permis de la donner aux kuffars pour repousser leur mal. Mais une fois que l'islam est devenu fort, il n'y a plus lieu de faire cela, donc, leur donner zakat el-mal, hein, aujourd'hui n'est plus valide. Zakat al-fitr, bab awla, à plus forte raison. Suma mas'ala. Yaqul, hal yajuzu naql zakat al-fitr min baladin, min al-baladi allazi wajabat fihi ila balad akhar. Donc maintenant, il a dit, est-ce qu'il est permis de transporter la zakat, c'est-à-dire de l'envoyer à l'étranger, que ce soit zakat al-fitr ou zakat al-mal. يقول أولا اتفق الفقهاء على أن البلد أولى بصدقاتهم من غيرهم. Donc il dit que les juristes sont unanimes à dire que les gens d'un pays sont plus en droit de recevoir les zakat prises de ce pays-là. ثانيا اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة من موضعها إذا استغنى ذلك الموضع عن الزكاة كلها أو بعضها. Et il dit également, ils sont également unanimes qu'il est légiféré de transporter la zakat du lieu où elle était prise, si les gens de ce lieu s'en passent pour la transporter vers un lieu où des gens en ont besoin, entièrement ou partiellement. D'accord ? Et donc cela est une chose qui est permise. Maintenant, là, ils ont divergé, c'est le pays qui mérite de recevoir cette zakat. Et parmi les arguments qu'ils ont, c'est le hadith d'Ibn Abbas, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'az bin Jabal au Yémen, qui leur a fait da'wah aux gens du livre. Il a dit à la fin du hadith, فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Donc informe-leur, c'est-à-dire une fois qu'ils appellent au tawhid, à la salat, ce qui s'ensuit, informe-leur que Allah Azza wa Jalla leur a imposé une sadaqa, une aumône, prise de leurs biens, c'est-à-dire des riches, pour être donnée à leurs pauvres. Donc certains ont pris de ce hadith des riches de ce pays pour les pauvres de ces riches de leur même pays. Voyez, avant. Donc ça c'est le premier avis, que la zakat, on ne la donne aux gens du pays, quand c'est un pays qui est dans le besoin. وَالْقَوْلَ الثَّانِي يَجُوز نَقْلْ وَوَقُولَ اللَّيْسُ وَأَبِي حَنِيفَ وَغَيْرِهِمْ. Et le deuxième avis, c'est qu'il est permis de l'envoyer à l'étranger. Et ils se servent du même hadith d'Ibn Abbas. Car à la fin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Cet argent, on le prend de leurs riches. Quels riches ? Des muslimines, sans préciser de lieu. Et qu'elle est donnée à leurs pauvres. Quels pauvres ? Des muslimines, sans qu'un lieu ne soit précisé. Naam. Après, il rapporte une parole d'Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, qui dit, qui lui-même rapporte une parole d'Ibn al-Munir, Tayyib, Afwan. Il va citer une parole de Cheikh Al-Othaymeen qui dit قال بعض العلماء يجوز نقلها إلى بلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة. Il dit Ibn Al-Othaymeen qu'il est permis, que les savants disent qu'il est permis de transporter la zakat d'un pays lointain ou proche pour un besoin ou pour une maslaha. Maslaha, c'est un intérêt. Il dit فالحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشد فقرا. Donc maintenant, il dit un exemple de haja, c'est que les gens d'un autre pays sont plus en besoin que les gens de ton pays. D'accord ? Par exemple, tu es en France, et en France, on sait que beaucoup de gens ne rentrent pas dans les conditions de zakat al-fitr. Et tu as un autre pays qui n'est pas trop loin, comme le Maroc, où il y a beaucoup de pauvres, l'Algérie, le Mali, pays d'Afrique, ou d'autres pays parmi les pays d'Islam. D'accord ? Donc à ce moment-là, l'autre pays est plus dans le besoin de la zakat, tu peux leur envoyer. Ça, c'est une haja. والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في البلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجة. Et donc parmi les intérêts de la maslaha, c'est par exemple que celui qui a une zakat à sortir, il a des proches parents qui sont pauvres dans un pays qui est loin, dont la pauvreté équivaut à celle des gens de son pays ou plus encore. Donc là, par exemple, tu es en France également et tu as ta belle famille ou tu as tes parents qui sont en bled ou des proches qui sont en bled et qui sont aussi pauvres que des gens en France, ou peut-être plus pauvres encore, et bien à ce moment-là, il t'est permis d'envoyer à tes proches, car ils sont plus en droit de recevoir ta zakat. Pareil. Ou il dit également, « أو يكون مثلا في بلد بعيد طلاب العلم حاجتهم مساوية لحاجة فقراء بلده. » Ou par exemple, tu as des étudiants en sciences, et là, il parle des étudiants en sciences qui sont pauvres dans le besoin, qui ont un besoin équivalent aux pauvres de son pays, ou plus encore. Donc il a dit qu'il est permis de leur donner à eux. Pourquoi ? Parce que eux, le bien qu'ils vont apporter par la suite sera plus profitable à la Ummah qu'aux pauvres qui sont à côté de chez lui. Car le talib, il apprend le ilm, faire dawa par la suite. Donc un soutien lui est apporté. Cependant, cela est valable pour le talib qui est dans le besoin. Car le talib, alhamdoulilah, il s'en passe. Ce n'est pas tout talib al-ilm qui est forcément dans le besoin. D'accord ? Les talib, alhamdoulilah, ils s'en sortent, ils travaillent, ils ont leurs besoins, ils n'ont pas ayant droit, mais ayant droit de la zakat. Ne te dis pas que forcément un étudiant en sciences est forcément un ayant droit. Non. Certains le sont et d'autres ne le sont pas. Après, c'est à toi de connaître le hal de la personne. Donc ça, c'est l'exemple qu'il a donné. Donc la base, pour revenir, c'est que cette zakat, à la base, reste dans le pays, mais s'il y a un besoin ou un intérêt, alors il est permis de la transporter à l'extérieur. Et de là, on finit, bismillah ta'ala, هذه الرسالة فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك